Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelles tendances. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue, Holiday Mix, aujourd'hui avec une édition spéciale Nouvelles Tendances. Parmi les nouveautés qui ont retenu mon attention cette semaine, il y aura de la trance avec Paul Oakenfold, Nalin Incorporated et Orian Nielsen. Il y aura aussi la version 2012 du Rage de Ham refaite par Dimitri Vegas et Like Mike. Il y aura de la bassline londonienne avec Split Loop, de la dubstep également, ainsi que quelques tubes parmi lesquels le Epic de Sandro Silva, le trio de Matisse, Arti et Sadko. Il y aura aussi Nicky Romero et Swedish House Mafia. Mais dans l'immédiat, on va commencer avec une touche de pur minimal avec l'un des artistes phares du label Cadenza, le label de Luciano. Je veux parler du Lausannois Mirko Loco avec un titre quelque peu, comment dire, angoissant. Voilà, c'est cela, angoissant. C'est en 2010, après une soirée Vagabundos à Lausanne et surtout après une after bien arrosée, after qui s'est terminée dans un studio d'enregistrement, que Mirko Loco a spontanément décidé d'enregistrer ce titre entre 9h et 10h un dimanche matin. Girl on Acid, voici Mirko Loco. Tu écoutes Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. I couldn't reach you. We couldn't even talk to each other. You just left me like a dog. I was all alone in the dark. I wake up and it's dark. I wake up and there's nothing. Not a sound, not a light, not a sound, no you, nobody. Where were you all this time? You call me later, you said. You fucking bastard. Where the fuck were you, you motherfucker? Where the fuck have you been, you motherfucker? I don't know what year we are because of you. I don't know my own name because of you. I don't know night from day. I don't know day from night, you motherfucker. Where the fuck have you been? What, were you hiding? I don't think so. Well, you got nothing now, and you have nothing then. You have my love, but you didn't want me. So fuck you, you motherfucker. You're a fucking cocksucker, that's what you are. Because of you, I don't know what year we are. Because of you, I don't know my name. Because of you, all I want is whiskey. Dance floor. Le meilleur du dance floor. We'll be right back. 100% clubbing avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. We'll be right back. Holiday Mix. C'était en 2005, en pleine explosion de la tendance minimale, que le trio Am avait sorti ce morceau qui porte le titre étrange de Rage. La version que vous venez d'entendre est la version 2012 signée Like Mike et Dimitri Vegas. Juste avant, vous avez pu entendre Naline Incorporated avec leur titre Planet Violet. Naline que l'on connaît essentiellement pour son Beach Ball sorti en 1997. À venir dans Holiday Mix Epic, la bombe de Sandro Silva et Quintinho, mais tout de suite, voici de la trance qui fait monter la sauce comme seuls les Hollandais savent le faire. Il s'appelle Orian Nielsen et son titre s'appelle Amsterdam. We'll be right back. du dance floor. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Monsieur Cortez in the mix. Choc que ce jeune trio de la jeune génération. La jeune génération des producteurs de trance, trois petits protégés d'Armin van Buuren Arti, qui n'a que 22 ans, accompagné de ses potes Matisse et Sadko. Juste avant, vous avez pu entendre un mashup réalisé par Tom Prax entre l'antidote des Swedish House Mafia et le Don't Hold Back des Starkillers. À venir dans l'idée mix, le Glow in the Dark de Paul Oakenfold, mais tout de suite, voici l'un des plus gros cartons électro de cette année 2012. Je veux parler du Toulouse de Nicky Romero. Holiday Mix, le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. We'll be right back. Explore du monde entier. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Sur Holiday Mix. Holiday Mix.

Le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. C'est uniquement et uniquement lorsque les subwoofers font trembler le sol du bâtiment voisin que la puissance de destruction sonore de la dubstep prend toute son ampleur. Show Me Love, le classique de Robin S, revisité par Sean Finn, et ici dans une version dubstep remixée par Josh Money. Juste avant, dans un style de bassline typiquement londonienne, c'était Split Loop avec leur Party People, un titre de 2008 produit par Rico Tubes. Holiday Mix, c'est presque terminé. On va se quitter en gardant une oreille sur la dubstep avec Joachim Garraud. Joachim Garraud qui se met lui aussi à la dubstep. Bye bye à tous et à la semaine prochaine. Boyfriend, it is a...